DJ Hardtop, la net tape, c'est du GTA, Escamikaze, Sopic, Malfaiteur, Lil Quid Prod, 9177. Malgré ma tête dedans, je fais partie de ces mecs qui n'ont pas le corps sain. Et dans le cœur, j'ai autant de place qu'une Opel Corsa. Je me démerde avec du poids sur les épaules. J'ai pas de peau vu que l'État abuse des pauvres sur les impôts. Merde, j'ai pas de genre art, donc je grade de droite à gauche. Et j'ai l'accord de coup, car pour beaucoup, on est loin d'être égaux. Je pose sur la netteté d'Arto Prod, écoute l'album. C'est une putain de grosse tarte à prendre. Je me démerde avec tant de mal, un œil dans la lunette. Fixer la vérité au bout du pic, un vite esprit luné. Des brouillards depuis les couilles, gros. Mais j'ai su sortir malgré les coups. Les orties du Dunia qui te courtisent. La corde du coup de la vie, attends, basculer de la chaise. Acculé, fait chier. Nos erreurs, car c'est de lâcher. Bien caché, nos cœurs se battent. Même quand on dort, je me démerde plus que chaque faute. Aujourd'hui, se fait content. Passe-moi un couteau suisse que j'accarde de spi ma gaver. J'suis toujours de la partie, t'as plus de crédit en game over. J'suis toujours indépendant, petit, et toi, pas comme on confait. Ça m'empêche pas de tirer, gros, et j'suis tout seul. Mon coiffeur, je m'entraîne, j'utilise des techniques particulières. C'est dit qu'à ça va que je nique, ouais, je pars dans de colère. Je fais mes plans tout seul, gros, et je veux compter sur personne. Je traîne derrière le micro et je me fais plaisir sans percer. Hey yo, je viens transcender le beat avec une trace indélébile. Le stress dans le vide, sans yébi, le stress est dans l'oubli. Hey, hey, tu me connais pas, t'es ma mon curriculum. J'avance qu'à reculons, qu'en rigolant pour écœurer. Car l'homme n'aime que le hardcore et ça crée des jalousies. Y'a trop de rap à la chaîne, ça devient chum car c'est déjà l'usine. N'imagine pas qu'un jour je danserai pour toi. En plus, tu me connais pas, diamant m'a pas mis dans son répertoire. Démarre-moi l'un sous rentable, un big et j'prends un 16. Chargé un doigt sur la gâchette, putain de pioncée. J'me fous du bon train, car jacking à ta cabine. J'me démerde, j'suis pas le king, juste assemblé derrière la grille. La charité laisse là, ceux qu'en veulent, pas ceux qu'en vivent. Pas besoin qu'on me lèche, j'perds trop de temps à l'érection. J'fais mon bis des merdes comme un gène à verdure. Sous le beat, sous le pas, j'rappe comme je parle, donc me vendre ça, oublie. J'avance toujours en un indé, je veux pas être de vape. J'rappe souvent premier, j'me sens plutôt heureux devant. Toujours mon fait carré proto, on m'appelle SOP. Car gros, j'ai un braille, vas-y, laisse appeler. Parfois j'appelle mon équipe, ouais, c'est en cas de force majeure. Sinon, c'est comme mon basket, je lève haut les sacs majeurs. Je suis tout indépendant qui fait des passes à la quête de bras, la quête de barre.